إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer la partie numéro 8 dans l'explication de شرح مسائل الجاهلية et c'est avec le شرح الشيخ صالح الفوزان. On arrive maintenant au point numéro 6, le مسألة السادسة. Parmi les exemples des questions ou des points des shubuhat, des gens de la jahiliya, des gens qui suivaient les religions de shirk et de kufr et d'ignorance avant l'islam. Donc, parmi leurs shubuhat, il y a le point suivant, c'est « al-ihtijaj bima alayhi al-aqdamun duna nazarin ila mustanaddihi ». C'est-à-dire que parmi les exemples des gens de la jahiliya, qu'est-ce qu'ils suivent comme principe, c'est de dire qu'il se base sur ce que faisaient les plus anciens, sans regarder sur quoi ces choses-là à quoi ces choses-là se réfèrent. Et je pense que ici on a beaucoup d'exemples de ça, par exemple en ce qui concerne les personnes âgées ou les personnes plus vieilles. Les gens, il y en a qui disent bon, on va se référer sur ce que font les plus vieux, les plus anciens, ou les nations. Ou les peuples, c'est-à-dire les vieilles civilisations, les vieilles générations, ceux qui nous ont précédés, hein, ils se basent là-dessus, sans regarder sur quoi ces gens-là se basaient eux-mêmes. Et donc le cheikh il dit al-ihtijaj bil mutaqaddimin ka qawlihi qala fama bal al-qurun al-ula wa qawlihi ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin. C'est-à-dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit qu'il se basait sur les générations anciennes. Il mentionne le verset 51 dans Surah Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, فَمَا بَالُ يعني Pharaon, il a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des générations les plus anciennes, ceux qui ont mécru, soit dit ça. وَقَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. C'est-à-dire, on n'a pas entendu ça chez nos ancêtres les plus reculés. Et ça, c'est un exemple qu'on entend. Moi-même, je l'ai entendu dans ma propre famille, des gens qui disaient des choses comme ça. Ils disent, par exemple, bon, si, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, que l'islam, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on dit de nos ancêtres, de nos plus vieux, de nos anciens, qui suivaient autre que cette religion-là? Qu'est-ce qui va leur arriver? On n'a pas entendu ça de leur part, donc, des choses de ce genre. الشيخ الاكستيك شيخ الفوزان الزي أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بأبائهم فإن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون قال فما بال القرون الأولى يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة وهذه حجة باطلة وهي حجة جاهلية وكما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقابلوا دعوة نبي الله نوح بما عليه آباؤهم على أنه حق وأن ما جاء به نوح باطل لأنه مخالف لما عليه آباؤه. Donc le cheikh il dit, lorsque les messagers leur viennent avec la vérité, ils utilisent comme excuse ou comme argument leurs ancêtres, leurs pères. Qu'est-ce que leurs pères faisaient? Qu'est-ce que leurs pères disaient? Et donc, lorsque Moussa alayhi salam est venu voir Pharaon et qu'il l'appelle à la foi, Pharaon utilise comme argument ce que faisaient les ancêtres ou les anciens. Et il mentionne ça dans le verset 51 qu'on a récité tout à l'heure dans le surat Taha, قال فما بال القرون الأولى. Et il veut dire par là que, et pour lui, c'est une référence, c'est un exemple. Qu'est-ce que les générations anciennes faisaient, celles qui l'ont précédé dans la mécréance. Donc, c'est un argument qui est faux. C'est un argument qui est complètement faux, et c'est l'argument de la djahiliya. De même que le peuple de Noé, lorsque Nuh alayhi salam est venu pour les appeler à la foi, eh bien, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont dit, ce n'est qu'un être humain comme nous. Il veut se distinguer à votre déprimant. Il veut avoir le dessus sur vous. Et si Allah aurait voulu, il aurait fait descendre des anges. On n'a jamais entendu parler de cela dans nos ancêtres les plus anciens, ou dans nos parents les plus anciens. Ça, c'est le verset 24 dans Sourate Al-Mu'minun. Donc, ils ont répondu à la da'wah de Nuh, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en mentionnant comme exemple ce que leurs parents ou leurs ancêtres faisaient, comme si c'était ça la vérité, par opposition à ce que Nuh amenait, et ils prétendent que ça c'est la preuve que ce que Nuh avait amené c'était quelque chose de faux, parce que c'est contraire à ce que leurs parents ou leurs ancêtres suivaient. وكفار قريش يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق يعني أي ما سمعنا بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الملة الآخرة ملة آبائهم وأجدادهم إن هذا إلا اختلاق كذب فهم وصفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم وهو عبادة الأوثان ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل بل رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا وهم آباؤهم وأجدادهم في مكة من كفار قريش فهذه سنة الكفار وهذه سنة الجاهلية أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم donc le cheikh il mentionne comme ça la suite, il dit l'exemple des kuffars de Quraysh parmi le peuple de le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tribu de Quraysh. Il disait, on n'a jamais entendu ça dans les anciennes voies, dans les anciennes religions. Ce n'est qu'un mensonge. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, on n'a pas entendu ça dans la religion de nos pères, de nos grands-pères. Yani, donc, pour eux, c'est un mensonge, à cause de ça. Parce que c'est contraire à ce que leurs pères suivaient. Et c'est-à-dire, pour eux, donc, qu'est-ce que leurs ancêtres suivaient? C'était l'adoration des idoles. Donc, pourquoi ils ne sont pas revenus à la religion de leurs plus anciens ancêtres, c'est-à-dire Ibrahim, alayhi salam? Parce que le peuple de Quraysh, ils descendent d'Ibrahim. Donc, pourquoi ils n'ont pas pris comme exemple Ibrahim et Ismaïl, qui suivaient la religion du Tawhid et qui étaient sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration? Ils sont retournés seulement à leurs proches parents qui sont des générations très rapprochées d'eux, comme justification pour la mécréance et le shirk qu'ils pratiquaient. Et ça c'est là l'exemple des kuffars, ils suivent toujours cet exemple-là. Sinon, s'ils devaient retourner à leurs premiers ancêtres, pourquoi ils ne retournent pas à Adam? Alayhi salam, Adam c'est le premier des hommes, c'est notre plus ancien parmi nos ancêtres, et il était sur le tawhid lui aussi. Donc il n'y a pas de justification si tu retournes aux premiers ancêtres que de retourner au tawhid. Et c'est comme l'exemple de ce que certains, parmi les gens qui appellent à l'égarement maintenant dans certains pays musulmans, qui essaient de ramener les gens à des anciennes religions pré-islamiques. Ils disent, nous on n'était pas musulmans auparavant, puis les Arabes sont venus et nous ont imposé l'islam. On entend cette da'wa parmi certains parmi les berbères, certains parmi les kabyles nationalistes qui veulent rejeter l'islam, qui parfois disent nous on ne veut pas revenir à l'islam parce que l'islam ça a été imposé chez nous par par les Arabes. Bon, avant ça ils étaient dans la religion de qui? Ils étaient dans une autre religion, soit christianiste, soit judaïste, ou soit une religion animiste ou païenne. Et cette religion-là, soit qu'elles avaient été imposées et qu'elles venaient de quelque part ailleurs, on leur avait imposé, elles aussi, ou bien elle était une religion qu'ils avaient inventée eux-mêmes, qui était contraire à la religion des prophètes, et contraire à la religion qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon. Hein, donc ils n'ont pas d'argument pour la suivre de toute façon. Et donc ça c'est des exemples. La même chose pour les Européens, ici les chrétiens, j'avais mentionné ça dans les premiers cours, que avant le christianisme, les peuples de la France, de l'Europe, il y en a en général l'Europe, l'Angleterre et tout, ils avaient des religions de paganisme, ils adoraient des esprits, des arbres, des étoiles, des idoles, toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, l'Empire romain, quand l'Empire romain est devenu chrétien, eh bien, ils ont imposé à tout l'Empire de se convertir au christianisme. Et on leur a remplacé un shirk par une autre forme de shirk. Et donc c'est pour dire que ça a été également imposé par la force, pour eux aussi. Puis par la suite, maintenant, ils critiquent l'islam. Hein, ils disent, oh, l'islam est venu avec l'épée, parce que dans l'islam, il y a par exemple le djihad, hein, le combat pour élever la parole d'Allah, et ainsi de suite. Donc, ils critiquent ça alors que l'islam est venu pour les sauver de l'idolâtrie et les libérer du shirk et les amener vers la vérité. Donc ça, c'est un exemple. Comment ils comparent, ils utilisent des arguments qui sont faux pour refuser la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tous les premiers de nos ancêtres sont tous sur le tawhid, et tous les messagers d'Allah sont sur le tawhid. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce que le cheikh nous explique dans ce verset, dans ces versets-là par exemple. Donc il dit wal wajib ala al-uqala an yanzuru ma'a ar-rusul يقارن بينه وبين ما عليه آباؤه ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم يقولون ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا ولا نقبل ما يخالفه فهذا ليس من شأن العقلاء فضلا عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. الشيخ الذي كسيت obligatoire pour toute personne qui détient un minimum de raison, c'est qu'il analyse, qu'il observe qu'est-ce que les messagers ont amené. Il doit regarder comme il faut. Et il compare entre ce que les messagers amènent et ce que leurs parents ou leurs ancêtres suivent. Et ils vont voir clairement par la suite la vérité. Et ils vont être capables de distinguer entre qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Mais de fermer la porte, hein, sur eux-mêmes, disons, et de se renfermer sur eux-mêmes, et de dire on accepte uniquement ce que nos ancêtres suivaient et on n'accepte pas ce qui est contraire à ça, ça, ce n'est pas l'attitude des personnes qui utilisent leur raison et qui sont raisonnables. Sans même mentionner ceux qui veulent se sauver eux-mêmes et connaître le salut. والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا هذا عليه البلد الفلاني وعليه الجماعة الفلانية وعليه قرون مضت وأصحاب الموالد. إذا نهوا قيل لهم هذه بدعة قالوا هذا شيء معمول به قبلنا ولو كان باطلا ما عملوه وهذا احتجاج أهل الجاهلية فليس العبرة بما عليه الناس وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الناس يخطئون ويصيبون ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صواب قطعا والواجب اتباعه والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادنا ولو كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل. Le chef, il dit, regardez aujourd'hui les adorateurs des tombes, les gens qui adorent les tombeaux. Lorsqu'on leur interdit d'adorer les tombeaux, ils disent, c'est ce qu'on pratique dans notre pays, ou dans tel groupe, dans telle partie, dans telle catégorie de personnes, tel groupe de personnes, ou telle tribu, ou tel pays. Nous, on pratique ça. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Hein? C'est ça que nos ancêtres faisaient. Hein? Et les gens faisaient ça depuis des siècles, c'est pas maintenant. Et les gens qui fêtent la naissance des awliya, qui fêtent la naissance des saints, soi-disant, ou bien la naissance du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on leur dit ça, c'est une innovation, c'est une bid'a. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça, c'est quelque chose qui a toujours été pratiqué parmi nous. Hein? Donc, ils disent si c'était pas vrai, ou si c'était pas correct, les gens l'auraient pas pratiqué. Ils se basent sur ce que les gens ont fait pour justifier les fausses pratiques qu'ils font. Le cheikh dit que ça, c'est les mêmes arguments que les arguments des gens de la Jahiliya. Hein? Et donc, il dit, on ne doit pas prendre en considération ce que les gens font, ou ce que les gens pratiquent, ou ce que tes parents pratiquent, ou qu'est-ce que tes grands-parents pratiquent. C'est pas eux la référence dans l'islam. La référence dans l'islam, c'est le Coran, et c'est la Sunna, et c'est l'exemple des salaf al-salih. Donc, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens peuvent avoir raison, comme ils peuvent se tromper. Mais ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, ça c'est certain que c'est correct. Et c'est certain que c'est la vérité. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de suivre? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas laissé hein, comme référence nos ancêtres, nos parents ou nos grands-parents. Hein. Parce que si ce que nos grands-parents suivaient comme religion, c'était suffisant comme référence pour nous, eh bien, on n'aurait pas eu besoin d'avoir des messagers et des prophètes. Hein. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y en a des gens aujourd'hui, parmi les musulmans, ils ne comprennent pas ça, malheureusement. Tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est bid'a. Ils disent, mais non, mes grands-parents, ils faisaient ça. C'est comme ça qu'ils m'ont appris l'islam. Oui, mais notre religion, elle n'est pas basée sur nos grands-parents. Elle est basée sur les textes et sur les références de la religion islamique. Ensuite, le cheikh dit, « وَهَاكَذَا الصُّوفِيَّ يَقُولُونَ أَحْوَالُنَا تكفي عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا أحوال ولنا اتصال مع الله نأخذ عن الله مباشرة وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات يعنون رجال السند أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت يقولون الرسل إنما يحتاجهم العوام أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا وليسوا بحاجة إلى الرسل هكذا يقول لهم الشيطان ويقول إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل وإنما يأخذون عن الله مباشرة وهذا من دين الجاهلية والوقائع كثيرة من هذا النوع. Donc, le cheikh, il donne l'exemple, il dit, de même que les soufis, hein, les gens qui suivent la voie des gens de soufis, hein, les soufistes, ils disent, nous, on atteint des niveaux et des états dans la religion qui font en sorte qu'on n'a pas besoin des messagers. Nos états spirituels c'est suffisant pour nous. On arrive à avoir une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. On prend de Dieu directement, on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un messager ou d'une révélation. Hein? Et donc, eux ils disent, les gens de Ahl Sunnah, vous prenez votre religion des gens qui sont morts. Parce que quand vous rapportez les hadiths, vous vous basez sur des chaînes de transmission. Et dans ces chaînes-là, c'est des gens qui sont morts. Nous, on se base sur celui qui est vivant, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayy, alladhi la yamut, le vivant, celui qui ne meurt pas. Donc nous, on prend notre religion de celui qui est vivant, vous prenez votre religion de ceux qui sont morts. Hein? Et ils disent que les messagers, c'est seulement les communs, le commun d'entre les musulmans qui ont besoin des messagers. Mais les gens, les élites, hein, les initiés, les gens qui ont atteint des niveaux comme nous, les soufis, comme eux ils prétendent, les soufis, qu'ils ont atteint ces niveaux-là, ils disent nous on a atteint un niveau que, à ce niveau-là on n'a plus besoin de messagers. On est arrivé directement à Dieu, hein, et on a eu la connaissance, hein, divine. Donc, on n'a plus besoin de messagers. Et ça c'est le shaitan qui leur dit ça, hein. Et donc, le shaitan il leur dit, vous les gens des tourouks, vous n'avez plus besoin des messagers. Il y en a parmi les soufis, ils disent même que parmi les awliya des soufis, ils disent qu'ils volent jusqu'à l'étape préservée, l'awsh al-mahfouz, pour aller lire ce qui est écrit dedans. Et qu'ils n'ont pas besoin donc d'un messager. Ils connaissent tout ce qui est écrit dans les tables préservées. Et il y en a qui disent que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient leur parler en état d'éveil. Il leur parle, comme Ahmed Tijan, le fondateur de la Tariqa Tijaniya, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il me révèle, il me dit des choses, comme ça, en état d'éveil. Il y en a qui disent qu'ils leur viennent dans leur rêve. Lui, il dit non, il vient même quand je suis réveillé. Il vient, il me parle, il me dit des choses. Hein? Et il a même un livre qui est attribué à lui, et dit ce livre-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné. Hein? Ça s'appelle, si je me souviens bien, en tout cas j'ai oublié le nom, Jawahir al-Ma'ani, un des livres comme ça, Jawahir al-Ma'ani je crois. Donc ça c'est le livre des soufis, le livre de la Tariqa Tijaniya, écrit par leur cheikh, il est rempli de bid'a et de shirk dedans. Et il y a beaucoup d'autres livres de ce genre. Donc ça c'est des exemples de la religion de la Jahiliya. Hein, il y a plein de manifestations de Jahiliya qui existent encore aujourd'hui à cette époque. Et c'est de ça que le cheikh il parle dans le livre. Il donne un autre point. Al-mas'alatu sabi'a, le point numéro 7. Al-istidlalu bima alayhi ahlul quwwa bi annahu huwa al-haq. Les gens de la Jahiliya, ils se basent pour déterminer que quelque chose c'est la vérité, ils se basent sur le fait que les gens qui pratiquent cette voie ou qui pratiquent cette religion sont les gens les plus forts. Donc, étant donné qu'ils sont les plus forts, ce qu'ils pratiquent c'est la vérité. Donc, ils se basent sur la force pour déterminer que quelque chose est vrai. Et si quelqu'un est faible, ils ont décidé que qu'est-ce qu'ils suivent, c'est faux. Parce que si c'était vrai, ils devaient être forts, selon eux. Donc ça, c'est une des shubuhat des gens de la Jahiliya, et ça, on le reconnaît aujourd'hui, par rapport à la situation de faiblesse des musulmans dans le monde. Donc les gens parmi les koufars, ils disent, les musulmans et la religion de l'islam, c'est pas la vérité, parce que si c'était la vérité, ils auraient la force. Mais étant donné qu'on a la force matérielle, militaire et dans tous les plans de la vie, donc ça c'est la preuve que notre voie, notre mode de vie, il est le vrai, c'est la meilleure, c'est la vérité. Le cheikh il dit, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, al-istidlalu bi qawmin u'tu quwwa fi al-afhami wa al-a'mal wa fi al-mulki wa al-mali wa al-jah. فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit qu'il se base sur la force. Si un peuple a reçu la force, où ils ont reçu une certaine compréhension, ou certains ouvrages, certains travaux qu'ils font, ou un pouvoir de contrôle sur la terre, ou bien des biens, ou de la une situation de une position d'autorité ou de respect, ils pensent que ça c'est la preuve qu'ils sont sur la vérité. Et Allah a réfuté ça dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 26 dans Surat Al-Ahqaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه. Nous leur avons donné des positions consolidées que nous ne vous avons pas données. Allah, il avait donné à des peuples avant nous des forces, des positions de force que nous aujourd'hui on n'a pas. Hein? Et il donne d'autres versets aussi, comme le verset 89 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقالوا. Et les Juifs, ils disaient, auparavant, c'est-à-dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchaient, ils demandaient la victoire sur les mouchriquins de la Mecque. Et les mouchriquins parmi les Arabes, quand ils étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de faire venir le prophète pour combattre les Arabes et pour prendre le dessus sur eux, pour avoir la victoire. Mais lorsque la vérité leur est venue, hein, et ils ont reconnu cette vérité-là comme étant la vérité, ils ont refusé d'y croire, ils ont rejeté la vérité. Les gens du livre, ils reconnaissent la vérité, ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ensuite, le cheikh, et ça c'est le verset 146 dans Surat al-Baqarah. Ensuite, le cheikh dit, « وَمِنْ مَسَائِلِ الْجَاهِلِيَّةِ » Le cheikh al-Fawzan, il explique tout ça. Il dit, « وَمِنْ مَسَائِلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ يَسَدِلُونَ أَنَّمَا عَلَيْهِ الْأَقْوِيَا مِنَ النَّاسِ وَأَصْحَابُ الْجَاهِ وَأَصْحَابُ الزَّكَاءِ أَنَّهُ هُوَ الْحَقِّ فَهَذَا هُوَ الضَّابِطُ عِنْدَهُمْ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ أَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ فِي النَّاسِ فَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْقُوَّةِ والمال والطرف والجاه يعتبرونه هو الحق وما كان عليه الضعفاء والفقراء ويعتبرونه باطلا هذه حالة أهل الجاهلية donc exactement comme j'ai dit tout à l'heure, ils se basent sur la force déjà pour déterminer qu'ils sont sur la vérité, soit la force, soit le statut, soit l'intelligence, etc. hein? Et c'est ça le critère de jugement pour eux, c'est là-dessus qu'ils se basent pour savoir qu'est-ce qui est vrai. Ils regardent les gens. S'ils sont forts, ils vont avec eux. S'ils ont de l'argent, s'ils ont du luxe, s'ils ont une position, ils disent ceux-là sont sur la vérité. Puis s'ils voient que des gens sont faibles, sont pauvres, ils considèrent qu'ils sont sur le faux. Hein? Et donc, ça c'est l'attitude. Souvent, on voit ça chez les munafiqis, les hypocrites. Quand les musulmans sont forts, ils disent on est avec vous. On est des musulmans. On aime l'islam. Et quand les musulmans deviennent faibles, ils vont vers les kuffars, ils disent « Ah, les musulmans ils sont faibles, nous on est avec vous. » Donc c'est eux, ils ne penchent pas vers la vérité, ils ne sont pas avec les musulmans parce qu'ils croient en l'islam, ils sont avec les musulmans parce qu'ils voient que les musulmans sont forts. Quand les musulmans deviennent faibles, ils quittent les musulmans et ils vont vers les kuffars. Donc ça c'est l'attitude des munafiqis. Le cheikh il dit « وَهَذَا الضَّابِطُ » Il dit ça c'est la religion des gens de la jahiliya, c'est comme ça qu'ils étaient avant l'islam. وهذا الضابط باطل فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة الكافرة أنها كانت على قوة وأنها كانت على ثروة في آيات كثيرة وأنهم أهل جاه وعندهم ذكاء وأسهام لكن ما نفعهم ذلك بل كانوا على الباطل وقد ذكر الله هذا في آيات كثيرة منها قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا فقال تعالى ردا عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد أثاثا ورئيا وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وقال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit cette règle, ce critère sur lequel il se base pour juger les gens, il est faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé au sujet des nations précédentes parmi les mécréants qu'ils avaient de la force et qu'ils avaient de la richesse. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'était déjà qu'il y avait une position de l'intelligence, de la compréhension, mais ça ne leur a servi à rien. Ça ne leur a servi à rien parce qu'ils étaient sur le mensonge et sur la fausseté. Et Allah, il mentionne ça dans plusieurs versets, comme le verset 73 dans Surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on leur récite nos versets clairs, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont eu la foi, qui ont cru, lequel des deux sera dans une meilleure situation, une situation plus confortable et en meilleure compagnie. Ça c'est le verset 73. Et dans le verset 74, dans Surat Maryam, Allah leur répond en disant, combien de nations ou de peuples avons-nous détruits avant qui avaient beaucoup plus de biens que vous et qui avaient une plus belle apparence encore. Donc il y en a qui se basent comme là-dessus, il y en a qui se basent là-dessus, il y en a qui se basent sur l'apparence physique, qui se basent sur la richesse, il y en a qui se basent sur la force, il y en a qui se basent sur toutes sortes de choses. Ils veulent, tout le monde, comme on dit, tout le monde veut être avec l'équipe gagnante. C'est comme ça. Il y en a, subhanallah, vous allez voir une équipe, même dans les matchs de foot, là les gens ils regardent ça, quand l'équipe elle gagne, tout le monde est avec elle. Le jour où elle perd, personne ne veut rien savoir. Ah, cette équipe elle est pourrie, on ne veut rien savoir. Mais quand ils gagnaient, tout le monde était avec eux. C'est comme ça. Tout le monde était fier tout d'un coup d'appartenir à ce pays ou à cette région ou cette partie, cette équipe. Mais quand ils ont perdu, personne ne veut rien savoir, personne n'a d'intérêt pour eux. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils jugent ces gens-là. Et Allah dit dans le verset 44 dans Sourate Fatir, أولم يسيروا في الأرض, parce qu'ils ne se sont pas promenés sur la terre pour voir quelle a été la conclusion ou la fin des gens qui ont vécu avant eux. Et ils étaient plus forts, ils avaient plus de force qu'eux. وما كان الله ليعجزه شيء, il y a rien qui peut réduire Allah subhanahu wa ta'ala à l'impuissance dans les cieux ni sur la terre. Certes, il est l'omniscient et le tout puissant. Et il mentionne dans le verset 36 dans Sourate Qaf, et combien de peuples avons-nous, combien de cités avons-nous fait périr, ou combien de générations avons-nous fait périr qui étaient plus fortes encore, qui avaient une force, une frappe plus forte encore que eux. Et il mentionne également dans le verset 6 dans Sourate Al-An'am, n'ont-ils pas vu combien de générations on a fait périr avant eux, et auxquels on avait donné de la force sur la terre, que eux ils n'ont même pas reçu, c'est-à-dire ils avaient plus de force que ceux-là, et il a fait descendre sur eux des pluies abondantes, et il a fait couler des ruisseaux à leurs pieds, et par la suite Allah les a fait périr à cause de leurs péchés, et il a fait venir d'autres générations nouvelles par la suite, après eux. Donc Allah les a fait périr ces peuples-là à cause de leurs péchés, malgré qu'auparavant ils avaient la force, ils avaient la richesse, ils avaient la pluie abondante et les ruisseaux et la verdure, c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on voit les pays occidentaux qui jouissent de plein de richesses, plein de bonnes choses, plein de confort matériel, plein de belles choses, Et les pays musulmans, on voit que beaucoup d'entre eux vivent dans la misère, la difficulté, les problèmes, les malheurs et tout. Donc, les maladies, la pauvreté. Donc, il y en a des musulmans qui ont une foi faible. Quand ils voient ça, ils sont affectés. Ils disent, mais si c'est comme ça, comment ça se fait? Ça veut dire qu'on n'est pas la vraie religion. On n'a pas la vérité. Et à cause de ça, ils quittent l'islam, ils viennent vivent chez les koufars et ils suivent la religion des koufars par la suite. Soit ils deviennent athées, soit ils deviennent chrétiens ou juifs ou autre chose, parce qu'ils n'ont pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne comprennent pas comment Allah subhanahu wa ta'ala agit à travers sa créature et comment il agit selon sa sagesse pour mettre les hommes à l'épreuve. Et ils ne savent pas que du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'enlever à tous ces koufars-là tout ce qu'ils ont comme bienfaits, comme richesse et tout, à cause de leurs péchés et à cause de leurs transgressions et à cause de leur injustice. Allah est capable de leur enlever tout ça. Donc le cheikh il dit, هذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال. إذا كان أهل ذلك على ضلال فإن هذه القوة وهذا المال وهذا الثراء لا ينفعهم. وبين سبحانه أنه يعطي الكفار من أجل استدراجهم كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. Donc le cheikh il dit ensuite, ces versets et les versets de ce genre indiquent qu'il ne faut pas prendre la considération uniquement de la force et des biens et des richesses, hein, si ce sont des gens qui sont sur l'égarement. Parce que cette force et cette richesse, hein, ne va leur servir à rien au jour de la considération. Ils ne vont rien pouvoir faire avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre et il explique aussi dans plusieurs versets dans le Coran qu'il leur donne toutes ces richesses et tous ces biens uniquement pour, en fait, comme une ruse, hein, qu'ils utilisent contre eux, pour leur faire croire qu'ils sont corrects et pour les, hein, comme pour les faire s'égarer graduellement et s'éloigner encore plus dans, s'enfoncer encore plus dans leur péché graduellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme par exemple, c'est le verset 44 et 45 dans Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé, hein, les choses qu'on leur avait mentionnées, les choses qu'on leur avait rappelées, on leur a ouvert les portes de toutes les bonnes choses. Hein, on leur a ouvert les portes de toutes bonnes choses, jusqu'à ce qu'ils commencèrent à aller se réjouir de qu'est-ce qu'ils ont reçu. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a saisis subitement par son châtiment. Et les voilà qui sont devenus désespérés. Et donc, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a puni les peuples qui avaient été injustes, et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et ensuite, il mentionne dans le verset 44 et 45, dans surat al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, laisse-moi avec ceux qui, avec celui qui traite cette parole de mensonge. Je vais les faire, disons, je vais les faire graduellement entrer vers des choses qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, avec ces gens-là, il utilise un genre de ruse. Il croit que le bien qu'ils reçoivent dans cette dunya, c'est quelque chose qu'ils reçoivent à cause de leur intelligence ou à cause de du fait qu'ils sont sur la vérité ou qu'ils ont du bien en eux. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour ça qu'il leur donne cette aisance ou ce bien ou cette richesse, c'est uniquement pour les laisser s'enfoncer encore plus dans leur péché. Allah il dit « Wa umli lahum » et je leur laisse un délai. Inna kaydi matin. Pourquoi je leur laisse ce délai? Parce que mon plan, ma stratégie, elle est sûre, elle est certaine, hein. Elle est solide. Il est solide. Et il mentionne dans le verset 178, dans Surat Al-Imran, il dit, ne croyez pas que le délai qu'on donne aux gens qui ont mécru, c'est quelque chose de bien pour eux. On leur donne uniquement un délai pour qu'ils augmentent en péché. Et ensuite, ils auront un châtiment humiliant. Donc, le cheikh dit, فالله يعطيهم هذه الثورة, هذه الثروة, ويمكنهم في الأرض, ويعطيهم الملك والسلطة, ويمكنهم من المخترعات والصناعات, كما عليه الكفار في هذا الوقت. وهذا لا يدل على ما هم عليه حق, لا يدل على أن ما هم عليه حق, ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم, وإنما هذا من باب الاستدراج لهم والإملاء ليزدادوا إثما, وإنما يستدل بهذا الدليل, إنما يستدل بهذا الدليل أهل الجاهلية, أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما عليه الأمم فإن كان حقا قبلوه وإن كانوا فقراء وإن كان باطلا ردوه وإن كانوا أغنياء. Donc, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne cette richesse, Il leur donne ce pouvoir sur la terre. Et il leur donne ces propriétés et tout ce qu'ils ont comme pouvoir et comme force. Et il leur donne la capacité d'inventer toutes ces nouvelles technologies et ces nouvelles techniques. Hein, comme on voit les kuffars à l'époque actuelle. Et il me dit ça ne prouve pas que ces gens-là sont sur la vérité. Hein? Et ça ne veut pas dire non plus que Allah est satisfait de ce qu'ils font, du fait qu'il leur a donné ces choses-là. Ça, Allah leur donne uniquement pour les tromper et pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur péché, parce que Allah leur donne un délai. Allah, il a un délai pour eux. Pour qu'ils augmentent en péché. Et ceux qui utilisent le luxe ou la richesse ou la force comme argument, comme preuve de qu'est-ce qu'ils font pour montrer que qu'est-ce qu'ils font c'est vrai, c'est uniquement les gens de la Jahiliya qui prennent ça comme une preuve. Mais les gens qui ont la bonne compréhension, la bonne connaissance, eux, ils ne regardent pas ces choses-là comme étant un critère. Ils regardent plutôt, est-ce que ce peuple-là, ils suivent la vérité ou non ? S'ils suivent la vérité, ils acceptent ce qu'ils suivent, même si c'est un peuple qui est pauvre, même si c'est un peuple qui n'est pas développé technologiquement, même si c'est un peuple soi-disant sous-développé, comme on dit, hein, s'ils sont sur la vérité, ils prennent la guidance de ce peuple. Et s'ils sont sur le faux, sur le mensonge et sur l'égarement, ils rejettent ce que ce peuple pratique, même si c'est un peuple qui est riche et développé technologiquement. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pays musulmans, des individus parmi les musulmans, ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident quand ils voient qu'ils ne sont pas développés technologiquement et ils voient qu'ils sont pauvres, ils considèrent que c'est une honte et qu'ils ne sont pas civilisés. Et ils regardent les peuples qui ont des richesses et qui sont développés technologiquement, et ils pensent que c'est ça d'être civilisé. Alors que quand on regarde la réalité, la vraie civilisation c'est quoi? C'est d'avoir la guidance qui vient d'Allah, c'est d'être sur le tawhid, c'est d'être sur la bonne aqida avant tout. Ensuite, c'est d'appliquer les règles que Allah nous ordonne de respecter en ce qui concerne, par exemple, le comportement envers les parents, envers la famille. Et tous les autres aspects de l'adoration, ça, on n'en a pas besoin de mentionner en détail, mais c'est juste pour faire comprendre. Si les gens, ils ont ici quelqu'un roule en Ferrari, mais qu'il a pas de respect pour ses parents, il a pas de respect pour ses enfants, il a pas de respect pour sa femme, hein, est-ce que ça c'est d'être civilisé? Il y en a qui pensent que si t'as la Ferrari, ça y est. Tandis que l'autre qui marche, qui est dans son pays, qui est pauvre, qui a son âne, hein, et qui marche dans la rue avec son âne, mais il a respect pour ses parents, il a respect pour sa femme, respect pour ses enfants, hein, il triche pas, il vole pas, il ment pas, et avant tout, et le plus important de tout, il applique le tawhid, il s'éloigne du shirk, il s'éloigne des innovations, il a une bonne aqida. Tandis que l'autre kafir, il vit, il mange, il dort, il sait même pas pourquoi il vit, il sait même pas poser la question, parce que pour lui c'est pas important. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est un homme civilisé? Et l'autre, parce qu'il a pas de Ferrari, il est pas civilisé? Ou parce qu'il mange pas chez McDonald's, il est pas civilisé? Il y a des gens qui jugent comme ça, superficiels. Ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ça c'est très dommage de voir que certains musulmans, ils voient les choses de cette manière superficielle. Hein? Il y en a des jeunes musulmans, malheureusement, maintenant, ils ont cru à tout ce qui est à la télé, tout ce qui est dans les films, les magazines et tout, et ils pensent que d'être à la mode, c'est ça la vérité. De s'habiller comme à la télé, de parler comme à la télé, de vivre comme à la télé, ça c'est le haqq. Et si tu ne vis pas comme ça, tu mets tes pantalons en haut de la cheville, tu mets un kamis, tu portes une barbe, la fille qui met le djilbab, non mais ça c'est retardé, ça c'est hein, on dit, c'est pas civilisé, c'est pas moderne. Nous on veut être moderne, on veut être comme hein, les gens à la télé, les modernes, les kuffars, les européens et tout, ou les américains, hein, pour eux c'est ça, être sur la vérité. Donc, le cheikh, il réfute ça avec les versets dans le Coran et les hadiths. Il dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne ça juste pour qu'ils augmentent en péché. Hein? Et donc, on n'utilise pas ça, c'est pas ça notre référence. Et il dit dans plusieurs versets, parmi ceux que le cheikh il a mentionné, on voit que hein, beaucoup de peuples, avant justement, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr. Il dit « Wal ayat fiha kathira minha ma dhakarahu shaykhuna » وهو قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم عاد ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم وقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني أي قبيلة إرم أو بلد أو البلد الذي كانت تسكنه تسمى إرما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ينحتون الجبال وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم وهي موجودة إلى الآن على طريق القوافل إلى الشام إلى القوافل إلى الشام فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الشيخ الذي قال بعثة النبوة الشيخ الذي لنا منسيوني كم لفرثة كمسيان la destruction du peuple de Ad dans le verset 26 dans Surat Al-Ahqaf et on leur avait donné hein, nous leur avons donné des positions consolidées comme on nous, hein, que nous ne vous avons pas donné on leur a donné des positions de force et on a consolidé leur force d'une manière qu'on ne l'a pas fait pour vous et on leur a donné une ouïe et une vue et un cœur pour réfléchir. Mais ça ne l'a, mais ni leur oui, ni leur vue, ni leur cœur ne leur a servi en quoi que ce soit, rien n'est du moment qu'ils reniaient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne les versets 6 à 8 dans Surat al-Fajr, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Ad, le peuple de Ad, Iram adatir imad, Iram, c'est une tribu. Ou bien, c'est l'endroit où vivait cette tribu, hein, qui avait des colonnes, hein, des piliers ou des colonnes remarquables. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Il n'y en a donc jamais aucune autre pareille fut construite dans le pays. Donc ça c'est un peuple qui avait, hein, des choses, des belles constructions et des trucs de ce genre. Wa Samud alladhina jabu as-sakhra bil wad. C'est-à-dire que Samud, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils taillaient leurs maisons dans les rochers. Hein, et ils avaient dans une vallée des maisons qu'ils creusaient dans les rochers. Et donc, ils faisaient ces maisons-là. Et elles existent encore jusqu'à aujourd'hui. Sur la route des caravanes. Elles passent par là, elles passaient par là pour aller vers la Syrie. Et il mentionne le verset 58 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et voilà leurs demeures qui sont maintenant, elles ne sont plus habitées après eux, excepté, hein, juste un peu, il y en a encore quelques personnes qui habitent là peut-être, mais elles ont été abandonnées par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a hérité de tout ça. Et dans l'autre verset, le verset 52 dans Surat Al-Naml, et voilà que leurs demeures sont devenues vides à cause de leur injustice, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم الشيء العظيم وهم كفار ولما جاءهم أنبياءهم اغتروا بما عندهم من القوة ومن الثروة ومن الأب ومن الأب فتكبروا على الرسل وبقوا على شركهم ولم يقبلوا الحق غرورا بما هم عليه من القوة حتى إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Donc Allah سبحانه وتعالى leur a donné la force, une grande force, hein? Mais ce sont des kuffars. Et lorsque les messagers leur sont venus, ils ont été trompés. Ils ont été trompés eux-mêmes par leur force, et par leur richesse, et par les dons que Allah leur avait fait. Alors ils ont été orgueilleux face à leurs messagers. Et ils ont décidé de rester sur leur shirk et de ne pas accepter la vérité. À cause du fait qu'ils avaient été trompés par leur force. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet du peuple de Ad, qu'ils ont été trompés justement à cause de leur force. Dans le verset 15, dans Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ont dit, c'est-à-dire Ad, ils ont dit, et qui est plus fort que nous? Et qui est plus dur que nous en force, hein, qui a plus de force que nous? Ne voit-il pas que Allah est plus fort qu'eux, celui qui les a créés? Donc ça, c'est des exemples. وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِالْفَهْمِ فَبَنُوا إِسْرَائِيلَ الْيَهُودَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ فَهْمًا وَعِلْمًا وَكَانُوا يَعْرِفُونَ مِنْ صِفَاتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان بما عندهم في التوراة والإنجيل وأنه سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء وأن صفاته كذا وكذا وكان بينهم وبين العرب في المدينة من الأوس والخزرج حروب وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث النبي الذي في آخر الزمان نتبعه ونقتلكم معه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان من بني إسماعيل حسدوه لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ويحتجزونها لأنفسهم فلما كانت في بني إسرائيل في بني إسماعيل حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه رسول الله ما نفعهم فهمهم ولا معرفتهم En ce qui concerne le fait de se baser sur leur compréhension et leur connaissance, il dit le peuple d'Israël, Allah leur avait donné de la compréhension et de la connaissance. Et ils savaient, hein, ils connaissaient les caractéristiques du prophète qui devait être envoyé parmi eux. Et ils avaient avec eux la Torah et l'Injil. Et ils savaient que le prophète qui allait venir vers eux, c'était le dernier des prophètes. Et ils savaient qu'il allait avoir telle et telle caractéristique. Il y avait des juifs qui vivaient parmi les arabes de Médine, parmi les tribus de Al-Aws ou Al-Khazraj, qui sont devenus par la suite les Ansar. Il y avait des guerres entre les arabes et les juifs de Bani Israël de cette région-là. Et dans le verset 89, Allah dit dans Surat Al-Baqarah qu'ils avaient l'habitude de chercher la suprématie sur eux, ou la force, hein, la victoire sur eux. Ils disaient, on va avoir un prophète vers la fin des temps, il va venir, et on va vous combattre avec lui. Ils disaient ça aux Arabes. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu qu'il n'était pas venu de leur lignée à eux. Il est venu parmi les fils d'Ismaël. Alors ils ont été jaloux. Ils ont été jaloux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'ils voulaient que la prophétie soit dans leur descendance à eux, dans leur lignée à eux. Alors, à cause de ça, ils ont refusé de croire en lui. Et ils savaient malgré tout que c'était lui le prophète, mais ça, leur compréhension et leur connaissance ne leur a servi à rien. فما كل من عرف الحق يعمل به فقد يسرفه صارف إما الحسد وإما الكبر وإما الطمع في الدنيا أو الطمع في الرياسة وهناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه كلها أسباب جيدة ولكن لا تكفي الشيخ explique il dit que c'est pas tout le monde qui connaît la vérité qu'il suit et qui l'applique. Il y a des choses qui peuvent faire qu'une personne est détournée de la vérité. Et ça peut être comme par exemple la jalousie, l'orgueil, hein, la fierté, le fait d'aimer la dunya, hein, de désirer la dunya, de désirer une position d'autorité, de pouvoir. Hein. Toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent faire qu'une personne se détourne de la vérité malgré qu'il connaît la vérité. Donc, le cheikh il dit la guidance et d'avoir le succès, ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une question seulement de connaissance, de science ou, disons, de compréhension seulement. Ça retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah que ça revient, la guidance. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait, comme c'est rapporté par Al-Tirmidhi et Al-Hakim et Ibn Majah, et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il disait, ô toi qui fais tourner les cœurs et les regards, ou les yeux, raffermis mon cœur sur ta religion. C'est-à-dire, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc, ça prouve que le fait de connaître, le fait d'avoir la science, ou le savoir, ou la compréhension, c'est pas suffisant. Ce sont des causes qui sont très bonnes, qui peuvent faire en sorte qu'on apprenne la vérité, mais elles ne suffisent pas. C'est pas suffisant seulement à elles seules. Il faut aussi avoir la guidance qui vient d'Allah. فهذا مما يعطي المؤمن الحذر وعدم الاغترار بعلمه وعدم الاغترار بفهمه أن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائما وأبدا كما أنه لا يغتر بالقوة ولا يقال هذه دولة قوية ما يمكن أن يتغلب عليها أحد لأنها دولة قوية محصلة بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذرية قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Donc le cheikh il dit Alhamdulillah يهديكم الله ويصلح بالكم. Le cheikh il dit donc ça amène le croyant à prendre ses précautions, à rester sur ses gardes, à ne pas se laisser tromper, hein, à se laisser éblouir lui-même par sa science, ne pas se laisser tromper lui-même par de dire « Ah, moi j'ai une bonne compréhension, je ne vais pas m'égarer, hein, je suis sur le haqq, alhamdoulilah ». Non, il faut demander à Allah de nous raffermir sur la vérité, et sur la guidance, et sur la position correcte tout le temps. Demandez toujours à Allah la guidance. On ne doit pas se laisser non plus tromper par notre force, hein, ou par la force de quelqu'un, ou d'un pays. De dire, ah, ce pays, cet État, ça, c'est un pays qui est puissant, il est fort, personne ne peut l'écraser, hein, parce que c'est un pays protégé, il a des armes, hein, destructrices, et des bombes nucléaires, et des missiles et tout. Donc personne ne peut les battre. Non, il ne faut pas penser comme ça. Allah dit dans le verset 25 dans Surat At-Tawbah, ويوم حنين et le jour de حنين lorsque vous avez été ébloui par votre quantité, hein, votre nombre, hein, vous avez été ébloui par votre nombre et ça ne vous a servi à rien, hein, et la terre malgré son étendue vous devint bien étroite, hein, puis par la suite vous êtes détourné, hein, vous êtes parti à la fuite, hein, vous avez tourné le dos. Donc c'est pour dire, ce jour-là, les gens étaient nombreux ils disaient, ça y est, personne ne va nous écraser aujourd'hui, on est nombreux. Et puis, et au début, ils ont tourné le dos par la suite, puis après Allah leur a donné la victoire. Mais c'est pour leur donner une leçon. Pour leur donner une leçon qu'il ne faut pas se laisser tromper par notre quantité, ou par notre nombre. Ensuite, il dit, « فَهَذِي مَسْأَلَةٌ عَظِيمَ يَغْفَلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَيَحْتَجُّ بِالْقُوَّةِ وَالثَّرْوَةِ يعني والجاه والأبهة ويقولون هذه أمة راقية مما يدل على أنها على الحق على حق وما توصلت إليه وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وهي على حق لأن عندهم حضارة وعندهم ثقافة وفهم فهكذا يقولون وهكذا يقول بعض المغرورين دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر. Le Cheikh dit, ça c'est une question très importante, parmi les questions de la jahiliya, et beaucoup de gens sont insouciants de ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils se basent sur la force, sur la fortune, sur le statut, l'importance, les dons et tout ça. Disant, cette nation est une nation civilisée, donc ça prouve qu'ils sont évolués sur le plan technologique, donc c'est la preuve qu'ils sont sur la vérité. S'ils n'étaient pas sur la vérité, ils n'auraient jamais atteint ce niveau. Donc ils sont sur le haq. Ils ont une civilisation, ils ont de la culture, ils ont de la compréhension, et il y a beaucoup de gens qui sont faibles d'esprit aujourd'hui qui pensent comme ça. Ils regardent l'état de ce peuple-là sur ce plan-là, sans prendre en considération leur état de mécréance et leur mécréance. Et ça, c'est une erreur. Imaginez si demain, comme je lisais ça dans un article, même les koufars ils disaient ça dans un article, imaginez demain, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien, plus d'électricité, plus de pétrole. La plus développée, la plus évoluée des nations, ce ne sera pas l'Europe ou l'Amérique, ce sera les pays du tiers-monde aujourd'hui. C'est eux qui vont être les plus développés parce qu'ils sont habitués de vivre comme ça, sans électricité. Sans carburant, sans pétrole. Mais nous, on est habitués à ces moyens-là, mais on ne peut pas s'imaginer à quel point notre vie, elle est fragile en réalité. Et notre confort, il tient sur des choses très, très, très, très fragiles. Je me souviens, il y a eu une tempête de verglas au Canada une fois, à Montréal, il y a de cela peut-être 15 ans, une quinzaine d'années. Subhanallah, pendant 2 semaines, il n'y avait plus d'électricité dans la ville. Eh ben les gens, si tu vois comment les gens sont revenus à vivre, on dirait qu'on était dans le tiers monde. C'est pour dire que les gens sont vraiment pas habitués à vivre des choses comme ça. Regardez l'ouragan qu'il y a eu dans le sud des États-Unis il n'y a pas longtemps, la Nouvelle-Orléans, ils l'ont appelé, je pense, Caroline ou quelque chose comme ça. Eh ben, subhanallah, ils ont dû évacuer plein de gens de leur maison et il n'y avait plus d'électricité, plus rien, plus d'eau chaude, plus de, comment on dit, des trucs sanitaires. Les gens vivaient vraiment d'une façon, subhanallah, on disait, si tu vois certains pays pauvres aujourd'hui, ils vivaient mieux que ces gens-là. Donc c'est pour dire à quel point ces gens-là, leur confort, ici dans les pays occidentaux, il tient sur des choses très futiles, très éphémères, très fragiles. Et donc, il suffirait qu'ils perdent l'électricité et qu'ils perdent le pétrole, ça y est, ils ne pourraient plus garder leur mode de vie tel qu'ils vivent actuellement. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala est capable, s'il veut, de faire arrêter tout ça, du jour au lendemain. Il fait qu'est-ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais il leur donne le délai pour voir est-ce qu'ils vont se repentir, est-ce qu'ils vont réfléchir, est-ce qu'ils vont changer, ou bien pour augmenter leur péché, pour les saisir d'un châtiment plus dur par la suite. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on continuera ça la suite demain, Inch'Allah, dans le cours prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi. Wa iyyakum akhi.